السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah Azza wa Jal l'étude et la lecture de l'épître Les Trois Fondements du noble cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit: le deuxième fondement, c'est la connaissance de la religion de l'islam à travers l'épreuve. L'islam, c'est la soumission à Allah par le tawhid, le monothéisme, se soumettre à lui en lui obéissant, se désavouer totalement du polythéisme et de ses partisans. La religion comporte trois degrés: l'islam, la foi, l'excellence. Chaque degré repose sur des piliers. Après avoir mentionné le premier fondement, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, mentionne ici le deuxième fondement, qui est la connaissance de la religion de l'islam à travers l'épreuve. Nous avions vu dans les cours précédents que l'islam a un sens général et un sens particulier. L'islam, dans son sens général, c'est la religion avec laquelle tous les prophètes sont venus. Quant à l'islam, dans son sens particulier, c'est la législation avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Après son avènement, il n'est pas permis de suivre autre que la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit à cet effet: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dans le sens rapproché du verset: non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger dans leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décrété, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si Moussa était vivant, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. Tout ceci pour montrer qu'il n'est pas permis de suivre autre que la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après son avènement. Dans la parole de l'auteur, à travers l'épreuve, c'est-à-dire sans suivre aveuglément. Et les preuves sont tirées du Coran et de la Sunna. Quant à celui qui suit aveuglément les gens mais qui ne connaît pas sa religion, il est à craindre que cette personne, lorsqu'il sera questionné dans sa tombe, réponde aux questions: ha, ha, j'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai répété cela. Comme ceci a été rapporté dans le hadith de Al-Bara ibn Azib. Il est donc obligatoire aux musulmans de connaître sa religion avec les preuves tirées du livre d'Allah et de la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne peut atteindre cela qu'en apprenant et en recherchant la science. Ensuite, l'auteur du livre mentionne ou cite ici la définition de l'islam. Il dit: c'est la soumission à Allah à travers le monothéisme, se soumettre à lui en lui obéissant, se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Le noble cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit: se soumettre à Allah à travers le monothéisme, c'est-à-dire soumettre son visage, son être de plein gré à Allahu Azza wa Jal, vouloir, désirer et aimer cela. De même, vouer tous ses actes d'adoration à Allahu Azza wa Jal seul. Dans sa parole, se soumettre en lui obéissant, c'est-à-dire mettre en application tout ce qu'Allah a ordonné et délaisser et s'éloigner de tout ce qu'Allah a interdit. Dans sa parole, se désavouer du polythéisme et de ses adeptes, c'est-à-dire s'éloigner du shirk et des gens du shirk. De même, croire en la fausseté de leur polythéisme, de croire qu'il est obligatoire d'avoir de l'aversion envers le polythéisme et les gens qui le pratiquent, car ils sont en réalité des ennemis d'Allahu Azza wa Jal. Il nous dit également, Hafizahullah, la personne sera considérée comme étant musulmane lorsqu'il se sera paré de quatre caractéristiques. La première, qu'il se soumette à Allah à travers le tawhid en vouant tous ses actes d'adoration à Allah seul. La deuxième, qu'il obéisse à Allah en appliquant ce qu'il lui a ordonné, et en délaissant ce qu'il lui a interdit. La troisième, en se désavouant de ceux qui contredisent le tawhid, qui est le shirk, le polythéisme. Quatrièmement, se désavouer des gens du polythéisme, des gens qui le pratiquent. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit: « Wa huwa thalathu maratib, al-islam wal-iman wal-ihsan, wa kullu martabatin laha arkan. » La religion de l'islam comporte trois degrés, l'islam, la foi et l'excellence. Et chaque degré comporte des piliers. Le premier degré de la religion est l'islam, le deuxième la foi, et le troisième est le plus haut, qui est l'excellence. L'islam et la foi, lorsqu'ils sont cités ensemble, chacun des deux termes a un sens précis. Et lorsqu'ils sont cités seuls, séparément, alors l'un englobe l'autre. L'un englobe l'autre et ont le même sens. Comme ceci est cité dans la règle, lorsqu'ils sont cités ensemble, ils sont séparés dans le sens. Et lorsqu'ils sont cités séparément, ils sont réunis dans le sens. Le premier degré, l'islam, qui est le plus vaste, on veut par l'islam ici les actes apparents. Ce qui est voulu de l'islam ici, ce sont les actes apparents. Ensuite, il y a le deuxième degré qui est la foi. Et ce qui est voulu de la foi ici, ce sont les actes intérieurs cachés. Ensuite, il y a le degré le plus haut qui est le degré de l'excellence. Le serviteur parfait, ce qu'il y a entre lui et son Seigneur dans les actes d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et chacun de ces degrés sera expliqué bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, chacun de ces degrés comporte des piliers. Le pilier, c'est l'endroit le plus solide de l'édifice, et c'est ce sur quoi repose l'édifice. L'auteur du livre a dit: fa arkanul islam khamsa, shahadatu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamus salati wa ita'uz zakah, wa sawmu ramadan, wa hajju baytillahil haram. Les piliers de l'islam sont au nombre de cinq. L'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, et que Mohammed est son messager, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. L'islam de la personne ne peut tenir sans ses piliers. La preuve de ces cinq piliers réside dans le hadith de Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان. Dans le sens du hadith, l'islam est bâti sur cinq choses: l'attestation que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, l'accomplissement de la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et le pèlerinage. Après avoir cité les cinq piliers de manière générale, l'auteur va citer chaque pilier ainsi que sa preuve. Il nous dit « وَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » Dans le sens rapproché du verset, Allah atteste ainsi que les gens, les anges et ceux qui possèdent la science atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité en droit d'être adorée à part lui, le puissant, le sage. Surat Ali Imran, verset 18. Le noble cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah le préserve, nous dit concernant ce verset, « Méditons sur ce verset. Il y a en ce verset trois témoignages de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Le premier est le témoignage d'Allah lui-même. Allah témoigne de son unicité, et Allah est plus savant que quiconque, et il n'y a pas plus véridique que lui. Le deuxième témoignage est le témoignage des anges. Il y a en cela une preuve de leur mérite et de leur rang auprès d'Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal les a pris en tant que témoins de son unicité. Le troisième témoignage est le témoignage des gens de science, les savants de la législation islamique. Il y a en cela des éloges en faveur des gens de science de la part d'Allah Azza wa Jal. On voit également qu'ils sont les meilleurs des gens après les prophètes, car ils sont les héritiers des prophètes. Ensuite, il nous dit, Allah Azza wa Jal a clôturé ce verset avec ce avec quoi il a commencé le verset. Il a commencé le verset avec la parole d'unicité, et il a clôturé le verset avec la parole d'unicité. Nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est lui. Ensuite, l'auteur du livre a dit, وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَهَا نَافِيًا جَمِيعًا مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ مُثْبِتًا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهِ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ. Le sens de cette attestation est « Nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah ». La première partie « Nulle divinité ne mérite » renier toute forme d'adoration à tout autre qu'Allah. La seconde partie « Sauf Allah » confirmer que tout acte d'adoration doit être réservé à Allah Azza wa Jal sans qu'il n'ait aucun associé dans l'adoration, de la même manière qu'il n'a aucun associé dans son royaume. Après avoir cité la preuve de l'attestation, l'auteur du livre mentionne et nous explique la signification de cette attestation, qui est « Nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah ». Ceci est la signification correcte de l'attestation. Non pas comme disent les gens du faux. Ils disent que la signification de l'attestation de foi, « La ilaha illallah » veut dire « Nul créateur, nul pourvoyeur en dehors d'Allah ». Ceci est l'unicité de la seigneurie que les polythéismes avaient reconnue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cela ne les a pas fait rentrer en islam et n'a pas fait d'eux des musulmans. Lorsqu'on leur demandait « Qui a créé les cieux ?» qui a créé la terre, qui donne la vie, qui donne la mort, qui donne la subsistance, il disait Allah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de dire la parole La ilaha illallah, ils ont répondu, comme Allah azza wa jal nous relate dans le Coran, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Réduira-t-il les divinités en une seule divinité? Voilà une chose vraiment étonnante. Surat Sad, verset 5. Ce verset nous montre que les polythéistes avaient saisi le sens de la ilaha illallah, qui est nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. De même, le fait de dire que la ilaha illallah veut dire nulle divinité sauf Allah, ceci est une erreur et reviendrait à dire que toutes les divinités sont Allah, alors que les divinités sont plusieurs ou sont nombreuses. Mais ces divinités sont adorées faussement. Ces divinités en dehors d'Allah sont adorées faussement et sont fausses. Manat est une divinité. El-Lat est une divinité. El-Uzza est une divinité. Ce sont des divinités fausses qui sont adorées faussement. Allah Azza wa Jal nous dit à cet effet, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Sourate al-Hajj, le pèlerinage, verset 62. Ensuite, cette attestation est composée de deux piliers, une négation et une affirmation. La négation qui est de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, l'affirmation qui est d'affirmer l'adoration à Allah ou Azza wa Jal seul sans rien lui associer. La négation seule ne suffit pas, comme l'affirmation seule ne suffit pas. Il faut absolument ces deux piliers ensemble, la négation et l'affirmation, comme ceci est corroboré et affirmé par plusieurs versets du Coran. D'ailleurs, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous explique cela dans sa parole lorsqu'il dit « وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dans le sens rapproché du verset, lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, « Je me désavoue totalement de ceux que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. » Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Surat l'ornement est Zukhruf, versets 26, 27 et 28. Dans ce verset, le sens de la ilaha illallah est expliqué. Lorsque Ibrahim alayhi salam dit à son père et à son peuple, Innani bara'u mimma ta'budun, je me désavoue totalement de ce que vous adorez. Ceci est le premier pilier qui est la négation. Nulle divinité ne mérite l'adoration. Dans sa parole, illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé, ceci est le deuxième pilier qui est l'affirmation. Qui veut dire sauf Allah. L'auteur du livre dit également wa qawluhu ta'ala qul ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dans le sens rapproché du verset dit ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah, puis s'il se détourne, dites, soyez témoins que nous, nous sommes soumis. Sourate Ali Imran, verset 64. Le noble cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah le préserve, nous dit, ce verset s'adresse aux chrétiens qui ont dit, le Messie est Allah. Allah ordonne à son prophète d'appeler et d'inviter les gens du livre à une parole commune. Cette parole qui est de n'adorer qu'Allah et de ne rien lui associer. C'est-à-dire, la ilaha illallah. Il y a dans cette parole la négation. Dans ce verset, il y a la négation et l'affirmation. Allah na'buda, de n'adorer, ceci est le premier pilier, la négation. Illallah, sauf Allah, ceci est le deuxième pilier, l'affirmation. En résumé, la parole nulle divinité ne mérite l'adoration sauf Allah contient deux piliers, la négation et l'affirmation. De même, cette parole a des conditions à respecter, sans quoi cette parole ne saurait être acceptée. Certains savants ont mentionné sept conditions, d'autres en ont mentionné huit. Ces conditions ont été puisées des textes du Coran et de la Sunna, à l'image des piliers de la prière, des obligations de la prière, etc. Il fut dit, Al-Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, celui qui dit l'attestation entrera au paradis. Il dit aussitôt, celui qui dit l'attestation en mettant en œuvre ce qu'elle implique, entrera au paradis, tout en respectant son droit. De même, il fut dit à Wahb ibn Munabbih, n'est-ce pas que la parole d'attestation est la clé du paradis? Il dit, oui, mais il n'y a pas de clé sans dents. Si tu ramènes une clé avec des dents, on t'ouvrira la porte. Dans le cas contraire, on ne t'ouvrira pas la porte, en parlant, en faisant référence aux conditions. La première condition, parmi les conditions de l'attestation, c'est le savoir qui s'oppose à l'ignorance. Celui qui dit cette parole, la ilaha illallah, avec sa langue, mais ignore le sens de cette parole, alors celle-ci ne lui sera pas profitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, hadith rapporté par Muslim, celui qui meurt tout en sachant que nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, entrera au paradis. La deuxième condition est la certitude qui s'oppose au doute. La personne n'a pas l'ombre d'un doute sur cette parole, car la foi est basée sur la certitude. Allahu Azza wa Jal nous dit à cet effet, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, puis n'ont pas été touchés par le doute. Sourate Al-Hujurat, verset 15. La troisième condition est la sincérité qui s'oppose au polythéisme, l'ostentation. La personne recherche uniquement la face d'Allah à travers ses actes et voue ses actes d'adoration à Allahu Azza wa Jal seul. Allahu Azza wa Jal nous dit à cet effet, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Sourate Al-Bayyinah, verset 5. Dans le sens rapproché du verset, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Quant à la quatrième condition, c'est la véracité qui s'oppose au mensonge. La personne est véridique lors de la prononciation de cette parole. Ce que la langue dit est en concordance avec le cœur. Car dans le cas contraire, ceci est du mensonge à l'image des hypocrites. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سورة المنافقون verset 1. Dans le sens rapproché du verset, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Allah sait que tu es son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Quant à la cinquième condition, c'est l'amour qui s'oppose à l'aversion. La personne aime cette parole et ce qu'elle contient, aime les gens qui prononcent cette parole, qui mettent en pratique cette parole, s'allie pour cette parole. Quant à la personne qui a de l'aversion pour cette parole, même s'il la prononce, elle ne lui est pas profitable. La sixième condition est la soumission qui s'oppose au délaissement ou au fait de se détourner. Se soumettre à ce qu'implique cette parole, c'est-à-dire d'adorer Allah sans rien lui associer, obéir aux ordres et s'éloigner et délaisser les interdits d'Allah Azza wa Jal. Quant au fait de dire cette parole sans se soumettre aux ordres et aux interdits d'Allah, alors cette parole ne sera pas profitable pour la personne. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset « Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah » Sourat Az-Zumar, verset 55. Dans le sens rapproché du verset « Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous. » Quant à la septième condition, c'est l'acceptation qui s'oppose au rejet. C'est le fait que la personne ne rejette rien qui fasse partie du droit de cette parole et de ce qu'elle implique. Quant à la huitième et dernière condition, c'est de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. La personne se désavoue du polythéisme et des gens qui le pratiquent. Comme nous avons vu dans la parole de Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il se désavouait de son père et de son peuple qui pratiquait le polythéisme. Voici les conditions de l'attestation qui doivent être appliquées. Quant à celui qui prononce cette parole sans que ces conditions ne soient présentes ou sans les appliquer, alors elle ne sera pas profitable pour la personne. Ensuite, l'auteur du livre a dit, رحمه الله تعالى, ودليل الشهادة أن محمد رسول الله, قوله تعالى, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم, حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. La preuve de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah réside dans la parole d'Allah, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous auquel pèse lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Après avoir cité la première partie de l'attestation, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, mentionne ici la deuxième partie de cette attestation, qui est le fait d'attester que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur cite par la suite la preuve de l'attestation, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, à travers ce verset que nous venons de citer, le verset 128 de Surat At-Tawbah. Le noble cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah le préserve, nous dit concernant ce verset comporte plusieurs caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé et envoyé par Allah azza wa jal. La deuxième, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie de vous, c'est-à-dire un homme et non un ange. De même, il fait partie des vôtres. Vous connaissez sa lignée, sa véracité, sa douceur, sa loyauté, son courage. La troisième est qu'il est peiné des difficultés qui touchent sa communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais eu le choix entre deux choses sans qu'il ne choisisse la plus simple et la plus facile pour sa communauté tant que cela ne constitue pas un mal. La quatrième et qu'il est plein de sollicitude pour vous, c'est-à-dire qu'il est désireux de votre guider pour que vous soyez des musulmans croyants. De même, il est désireux de vous faire parvenir le bien. La cinquième est qu'il est pour les croyants doux, compatissant et miséricordieux. Ceci pour les croyants. Quant aux polythéistes, il est rude à leur égard. Comme Allah Azza wa Jal dit, ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude avec eux. Surat At-Tawbah, verset 73. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit, wa ma'na shahadati anna Muhammadan Rasulullah, ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma anhu naha wa zajar, wa an la yu'bada Allahu illa bima shara'. Le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah est le suivant. Obéir à ses commandements, attester de la véracité des informations dont il nous a fait part, s'éloigner de ce qu'il a interdit et n'adorer Allah que selon ce qu'il nous a légiféré. Cette attestation a un sens et implique aussi des choses. Ce n'est pas juste une parole qui doit être dite avec la bouche seulement, mais il convient de la mettre en pratique, de reconnaître son message de façon apparente et cachée. Et ceci est résumé dans la parole de l'auteur lorsqu'il dit « lui obéir dans ce qu'il a ordonné ». C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla nous a ordonné d'obéir et de suivre le messager. Et ceci dans plusieurs versets du Coran. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, a dit « l'ordre de suivre et d'obéir au messager » a été mentionné dans le Coran dans 33 versets. Ceci nous montre l'importance de lui obéir et de ne pas le contredire. Nous pouvons citer quelques versets à titre d'exemple. Allahu Azza wa Jal dit « وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ » Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Surat An-Nisa, verset 80. De même, il dit « وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا » Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Surat An-Nur, verset 54. Deuxièmement, dans la parole de l'auteur, attester de la véracité des informations dont il nous a fait part. Car le messager nous a informé de beaucoup de choses qui touchent du domaine de l'invisible. Il nous informe au sujet de notre Seigneur, des anges, des choses qui se produiront dans le futur. Il nous informe des signes de l'heure, du paradis, de l'enfer, des histoires passées. Toutes ces choses, il convient d'y croire et d'attester de la véracité de ces informations si elles sont rapportées de manière authentique. Car Allah Azza wa Jal dit concernant son prophète « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى » Dans le sens rapproché du verset, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Surat An-Najm, versets 3 et 4. Troisièmement, dans la parole de l'auteur, s'éloigner de ce qu'il interdit. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire, alors il est obligatoire de s'en écarter et de s'en éloigner et de délaisser ces choses-là. Et ceci, le fait de délaisser ces choses, est une preuve du bon suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla dit à cet effet: « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » Dans le sens rapproché du verset, « Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » Sourate Al-Hashr, l'Exode, verset 7. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Dans le sens rapproché du hadith, lorsque je vous interdis une chose, éloignez-vous-en, et lorsque je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous êtes en mesure de faire. Il est donc impératif de s'éloigner de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Quatrièmement, dans sa parole, n'adorez Allah que selon ce qu'il a légiféré. C'est-à-dire de ne pas œuvrer dans la religion avec des actes qui n'ont pas été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les actes d'adoration en islam sont arrêtés. Il est donc obligatoire d'avoir une preuve tirée des textes pour pouvoir adorer Allah. Quand bien même la personne aurait une bonne intention ou rechercherait la récompense d'Allah, si ses actes ne sont pas conformes au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors son acte sera rejeté. Et ceci est la deuxième condition de l'acceptation des œuvres, car les conditions pour que l'acte soit accepté auprès d'Allah, il faut absolument la sincérité, c'est-à-dire que cet acte soit sincère pour Allah Azza wa Jal, et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cet acte soit en conformité avec la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté dans le hadith que notre mère Aïcha radiallahu anha a rapporté, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: celui qui innove dans notre affaire religion, ce qu'il n'en fait pas partie verra son acte rejeté. Et dans une autre version, celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre commandement verra son acte rejeté. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Irbad ibn Sariyah radiallahu anhu, hadith rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmed, rahimahumullah: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Je vous recommande ma sunna et celle de mes califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y et mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux choses nouvelles dans la religion. Car toute nouveauté est une innovation, et toute innovation dans la religion est un égarement. Il est donc obligatoire d'adorer Allah selon la législation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de s'y suffire, et de ne pas innover dans la religion, car ses actes seront rejetés. Voilà ce qu'implique l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, bi'idhnillah ta'ala, nous mentionnerons les autres piliers de l'islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.